Chapitre 2. Un des amis de Paul, Élie Verdier, avait longtemps lutté et pâti comme lui. Avec plus d'énergie et de talent, un aspect très noble, il avait en vain cherché jusqu'à 40 ans une issue à sa pauvreté. Ses tentatives infructueuses auprès des femmes n'avaient fait que resserrer le cercle de sa misère. Faire le siège d'une femme du monde exige pour réussir une mise de fonds préalable. Des riens ruineux, chaque jour indispensables, vide bien vite la poche d'un pauvre diable, où à peine quelques pièces blanches se heurtent à de gros sous. On ne peut arriver en habit râpé chez une élégante que l'on convoite. Il faut des gilets neufs, des cravates fraîches, des bottes et des gants irréprochables. À l'époque où Élie atteignait la quarantaine, la mode était au grand paille. Un dandy, fût-il émérite, en portait même en plein jour. Ce qui signifiait 2 paires de gants quotidiennes, une paire pour les visites de l'après-midi et une autre paire, au moins, pour le soir. Au prix que coûtaient les gants jouvins, c'était grave. Aussi, personne ne fut étonné qu'Élie, qui caracolait depuis 20 ans dans les salons, dut un compte de 30 000 francs au fameux gantier. Cette somme paraît énorme à qui l'additionne légèrement, mais un calculateur exact l'eût déclarée insuffisante, car il s'agissait d'un total de 12 à 14 000 paires de gants à 4 francs la paire. Il était évident que le marchand avait fait des remises, ou qu'Élie avait eu dans sa vie de fashion des intervalles de misanthropie, de voyage et de labeur forcé. La facture était donc modérée, mais hélas, ce n'était pas la seule. Tous les détails que nécessite l'équipement complet d'un coureur de boudoir avaient été fournis depuis longtemps à crédit à ce pauvre Élie, s'essoufflant en bas, à pourchasser une heureuse chance. Ses créanciers perdaient patience. L'échafaudage de son luxe extérieur craquait de toutes parts et lui-même, malgré sa contenance assurée, trahissait dans toute sa personne un affaiblissement anticipé, une débilité précoce. Les privations l'avaient prématurément vieilli et fatalement engourdi. Il était blanc et froid comme un glacier suisse. Pourtant, s'efforçant toujours de sourire et de plaire, il dardait les derniers rayons de son œil éteint sous un lorgnon magnétique. Il sentait qu'il n'y avait pas une minute à perdre pour conjurer un suprême naufrage. Sa planche de salut fut Béatrix, une fille sèche de 38 ans, imbue de romantisme éclectique et de faux bel esprit, héritière en perspective d'une fortune énorme. Elle avait rêvé, appelé, poursuivi depuis sa majorité un mari d'un nom célèbre. Le plus illustre de nos astronomes, le plus fougueux de nos orateurs, le plus bruyant de nos romanciers, furent tour à tour les fiancés de ses songes. Déçu dans ses espérances d'union éclatante, son désir se rabattit sur les renommées secondaires. Il lui fallait à tout prix un homme en quête de publicité, un aspirant à la gloire. Elle croyait au génie méconnu qui n'attend pour planer que le souffle d'une femme. Elle serait cette impulsion triomphale, ce gaz du ballon qui le soulève vers l'infini. Aussitôt qu'Élie connut Béatrix, il se dit « Je serai son Dante ». Elle me fera sortir des cercles de l'enfer, peuplés par ces diables de créanciers qui me torturent à toute heure et m'épouvantent de la contrainte par corps. Elle m'ouvrira les portes d'un paradis positif dont jusqu'ici je n'ai vu que le mirage. Il soupira près de Béatrix, il redoubla de gants paille, de vêtements élégants, de parfumerie réparatrice, de langage précieux, de philosophie sentimentale, d'évocation attractive, de dissertations sur les grands hommes toujours niés de leur vivant. Il exhiba des certificats de génie que lui avaient décernés quelques amis. Il parla de son dédain du succès, entremetteur des intelligences vulgaires. Nerveuse, irritée, alanguie par l'attente, Béatrix, que les gloires rayonnantes avaient dédaignées, s'éprit de cette gloire crépusculaire. Élie se dit que le monde était aveugle et laissait tomber ses couronnes, non sur le front rêveur des inspirés, mais sur le chef hardi des intrigants. D'une idée juste, elle fit une application illusoire, car Béatrix n'était pas de force à discerner un corps d'une ombre. Saisissant au bol ses regards émus, ses sourires de vierge éplorée et ses tendres murmures, Élie ne lui donna pas le temps de se reconnaître. « Vous m'aimez, s'écria-t-il, vous êtes ma muse, ma vraie Béatrix, à moi, à votre Alighieri. »« Oh oui, dit-elle, j'aurais fait un poète. » Cette prétention quintessentielle tourna le cerveau de la pâle fille. Élie l'enveloppa des bagues nuits où depuis 15 ans se perdait la raison de la précieuse. Craignant l'heure d'un chrysal qui aurait pu crever ses brumes, il lui fit signer leur fiançailles comme un double pacte d'amour et d'idéal, puis il l'emmena en Amérique, ils célébrèrent un mariage d'outre-mer bien et dûment légalisé, mais ayant cette saveur de mystère et ce parfum frelaté de roman qu'une vierge de 38 ans est orgueilleuse de savourer. Leur lune de miel durait encore, ou plutôt ne s'était pas levée, lorsqu'ils revinrent à Paris. Ils n'avaient eu que d'impalpables étreintes, que des enlacements d'âme à âme dont l'océan fut le chaste témoin. L'épouse d'un génie méconnu restait aussi frêle et aussi blême qu'elle l'avait été durant sa longue quête d'un mari célèbre. Ceux qui la revoyaient se demandaient, est-elle heureuse? Elle était apparemment, c'est-à-dire en apparence, car ainsi que la chaste Bérénice, Béatrix, transformée en étoile, décrivait ses mièvres évolutions et lançait ses petits rayonnements dans une sphère de beaux esprits. Élie, comme le prophète son patron, était remonté dans son char aux essieux d'or, au timon d'argent. Plus de créanciers implacables, plus de libraires rébarbatifs, plus de directeurs de revues dédaigneux. Les marchands lui offraient un crédit illimité. Élie publiait volume sur volume. Son nom retentissait dans toute la presse. Il créait lui-même des journaux où Béatrix essayait ses instincts littéraires. Comme c'était elle qui faisait rouler le char, il était bien juste qu'elle y montât. Sa dot graissait les roues, dot énorme qu'alimentait sans cesse la mort de quelques vieux parents. Elle avait rêvé de ressusciter les salons de Geoffrin et des Dudéfans, voire même de rivaliser avec celui de l'abbaye au bois. Mais, pour former un de ces centres d'esprit, il ne suffit pas de la fortune. Pour être la clé de voûte de ces pierres glissantes et fragiles, les superposer, les joindre et les assimiler sans qu'elles se heurtent et se brisent, il faut réunir la grâce à la bonté et à une imagination toujours en haleine, avoir pour chacun le mot juste qui charme, un art exquis, des soins variés, des ménagements infinis, et satisfaire tous les amours-propres rivaux. Madame Récamier excella dans cette gymnastique intelligente. Béatrix avait un esprit pointu qui blessait quand elle voulait caresser. Les paroles aimables qu'elle s'efforçait de distiller comme une liqueur savoureuse tournaient dans sa bouche en vinaigre. On sentait en elle une humeur persistante de vieille fille trahissant les mécomptes secrets de son cœur mal assis. Quoiqu'elle se fût mariée pour épouser une renommée, aidée à la glorification d'un nom et lancer un génie incompris, elle avait sans doute rêvé autre chose. Mais lorsqu'après un an de mariage, elle n'eut pas vu poindre le plus petit fœtus d'héritier, son humeur devint agressive. Une femme qui s'est mariée tard ne peut souffrir l'humiliation de paraître stérile. Se plaindre d'Élie était difficile, car il avait de point en point rempli le programme poético-sentimental que Philamint avait tracé. Être une des sphères de rotation des intelligences contemporaines, les susciter, les diriger, avait enflammé dès longtemps le désir éthéré de la dame. Ce désir-là, Élie le combla sans mesure. Un tourbillon de lettres et mécontents remplissait le vide autour de Béatrix. Le luxe et les dîners aidant, elle eut sa cour, ses flatteurs, ses poètes, dont l'encens la calmait par moments comme une potion opiacée apaise les insomnies. Le plus vieux et le moins séduisant de ses fidèles osa seul deviner ses vagues tourments. C'est dans l'ordre. L'âge donne l'expérience, et l'expérience pousse à l'audace. Expérimentés et audacieux sont, dans certains cas, synonymes. C'était un vicomte de vieille souche, une épave du faubourg Saint-Germain, impertinent, tranchant, déterminé. Il creva les brouillards où se retranchaient les pleurés par une décharge de raillerie. Il s'était juré de la consoler et de la distraire, et il y réussit à peu près. Élie ne s'en plaignit pas. Il pensait qu'à l'aide de son ami le vicomte, sa sérénité conjugale était assurée. À eux deux, ils faisaient un siècle, chiffre respectable, fortification ardue à renverser. La clairvoyance de l'amant doublait la sécurité de l'époux.